Chapitre 13, deuxième partie. Bref, après avoir traversé un village fortifié, par Mathusalem tout au moins, et qui semble hanté par des ombres, tellement ses habitants sont maigres, nous arrivons à la monumentale pagode d'Ellora, étrangement sculptée, puis au pied d'une chaîne de collines où nous apercevons les bouches édentées des célèbres hypogées. Il est 11 heures, nous sommes sur le territoire de sa hauteur, le Nizam, et dans le bassin du Godavery, tributaire de la côte de Coromandel. Il nous faut prendre notre courage et nos ombrelles à deux mains pour gravir à pied le plateau sur lequel est perché le bungalow. Nous y parvenons sans insolation, mais la chaleur a racorni nos provisions. Nos sardines en sont réduites à l'arête. Nos deux poulets sont devenus merles. Et de nos œufs durs, il ne reste plus que le jaune. Notre fromage, seul, n'a pas modifié son odeur. Après ce frugal repas, arrosé de quelques pegs, nous allons visiter le tombeau d'Aurangzeb. Dans un pays où le moindre vizir possède un mausolée, un si grand empereur méritait mieux certainement. Note: Aurangzeb, empereur mongol, 1658-1707. Fin de note. Le village de Rosa, que nous parcourons ensuite, n'offre rien de très curieux en dehors de ses habitants à l'œil sauvage. De retour enfin au pied du plateau, nous pénétrons dans la principale excavation dite Kélas, paradis. Ce merveilleux temple creusé dans le roc, comme ses nombreux voisins, est le seul qui ait pour voûte le ciel. La génération qui l'a conçu a voulu faire immense, et pour cela, elle a taillé dans la montagne, depuis le bas jusqu'en haut, un bloc colossal de 27 mètres de hauteur sur 45 mètres de largeur et 129 mètres de profondeur, y compris le portique de l'entrée. Note: Kélas, creusé dans le roc, ce roc est en réalité du tuf d'une extrême dureté. Fin de note. On pénètre d'abord sous un portique, puis par une sorte de pont, dans un pavillon carré en forme de pagode, dont les pilastres énormes reposent sur des éléphants. C'est dans cette pagode qu'est caché le sanctuaire dravanien, flanqué latéralement de deux obélisques superbes. Tout le pourtour de la cour est orné de galeries couvertes, merveilleusement décorées. Enfin, les parois, les voûtes, les piliers et les assises sont surchargés de sculptures d'une finesse extrême et d'un dessin parfait. Les groupes sont souvent obscènes, mais ils dénotent chez leurs auteurs une telle science artistique qu'on est presque tenté de les excuser. Car Poe a dû évidemment s'inspirer des Laura. Dans l'intérieur du sanctuaire, Siva et l'aimable Vishnu étalent sur les murailles leurs nombreux avatars en bas-relief puissant. Note: Vishnu, Dieu consolateur. Fin de note. Nouvelle note: avatar, incarnation. Fin de note. On reste confondu en considérant froidement ce qu'a dû coûter de temps et de travail un semblable monument, et l'idée seule de sa conception obsède le raisonnement. Sur une longueur de 2 kilomètres, la colline est trouée de temples du même genre, mais de formes différentes. Les uns sont à 2 étages, les autres à 3. Quelques-uns n'ont qu'une seule nef, quelques autres sont plutôt des colonnades que des temples. Les cryptes, creusées par les bouddhistes, se distinguent par leur simplicité et par leurs fresques. Entre autres, celle nommée Virunakarma nous frappe particulièrement. C'est une véritable église à voûte en forme de carène de navire et à nervures régulières soutenues par une quadruple rangée de piliers. Le dieu adoré en cet endroit semble rouler ses énormes yeux d'or au fond du sombre lieu, comme les prunelles d'un tigre monstrueux. Je comprends l'effet produit sur les timides hindous par de semblables lunettes. De temps à autre surgissent de ces antres obscurs, avec des frôlements de chauves-souris, des brames terreuses et muets, à l'œil plus sauvage encore que ceux de leur divinité, mais la main toujours demi-tendue et prête à recueillir l'aumône du visiteur européen ou du pèlerin hindou. On sort de ces excavations profondément impressionnés, et malgré soi, on suit en imagination les cérémonies étranges, les sacrifices sanglants et les orgies effroyables des siècles passés, quand tout un peuple affolé de superstitions s'efforçait de prouver son fanatique attachement aux dieux ou aux fractions de dieux auxquels ils avaient dédié ces sanctuaires. Tout est maintenant calme aux grottes d'Héléra, presque désertées pour la Mecque. Ce n'est pas en vain que Mahomet a promené triomphalement son croissant comme un scalpel à travers les viscères du Rig Veda et de la triade divine. Note, Rig Veda, document religieux le plus ancien connu, 6000 ans avant Jésus-Christ. Fin de note. Note, triade divine. Brahma, dieu créateur. Vishnu, dieu conservateur. Shiva, dieu destructeur. Fin de note. L'hindou n'a fait que changer de fanatisme, mais les mosquées se sont emplies au détriment des pagodes et des temples. Là où l'Inde entière venait solennellement se prosterner, le désert s'est fait et les conquérants musulmans, armés de leurs bons billets religieux, se sont taillés dans la magique Hind, le plus somptueux des empires. Puis est venue Albion, la grande accapareuse. Si les protestants ont mis d'accord pour l'instant Coran, triade et nirvana, je ne crois pas que le fanatisme ait dit encore son dernier mot. Note, nirvana, l'âme universelle du bouddhisme. Fin de note. En attendant, d'épaisses broussailles mettent alentour de ces repères du brahmanisme comme des barbes de vieillards. Les ramiers piétinent en roucoulant les dalles miraculeuses et les perruches à voix humaine semblent s'esclaffer de rire devant ce grand tout, qui n'est plus rien. Tout en faisant ces réflexions, nous arrivons au bungalow rudimentaire situé non loin du Kailas où des Indiens ont transporté les restes de notre repas du matin. Notre table est ultra primitive, un fond de caisse soutenu par trois petits Indiens agenouillés, de vrais amours de bronze aux yeux d'onyx. Quant à notre dîner, les queues des sardines du déjeuner en font les frais. Nous payons la roupie réglementaire au gardien du bungalow, puis nous apposons nos signatures sur le registre tenu par ordre du Nizam. J'y relève avec plaisir le nom de M. Coteau, dont le livre si intéressant, si remarquablement écrit et si exact nous a précieusement servi de guide diamant dans notre voyage. Note. Le livre si intéressant de M. Coteau, Promenade dans l'Inde et à Ceylan. Fin de note. À 6 heures, nous regrimpons en Tonga pour l'expiation de nos péchés passés et futurs, et à 2 heures du matin, Nangaoum nous revoit, moulu, harassé, broyé comme un pâté d'anguille. Dire qu'il nous reste encore à parcourir 300 kilomètres environ pour atteindre Bombay. Go ahead! Quand même. 16 avril, donc une demi-heure après notre course folle en saladier Dak, nous remontons en wagon et à 2 heures de l'après-midi seulement, nous arrivons à Bombay. Après avoir fait, par une température constante de 36 degrés, à l'ombre bien entendu, une randonnée de 57 heures, sans débrider, sans nous reposer et presque sans manger. Pour nous délasser, nous allons dîner en gala à Malabar Hill, chez Monsieur le Consul de France, non, toutefois, sans avoir retenu pour le lendemain matin deux places à bord du petit vapeur faisant le service de l'île d'Elephanta. Fin du chapitre 13.